Le Chat Noir Productions vous présente, de Laurent Garnier et David Brun-Lambert, aux éditions Flammarion, Electrochoc. Les derniers mercredis de chaque mois, retrouvez Electrochoc, le livre de Laurent Garnier et David Brun-Lambert, narrant toute l'histoire de la techno-music, racontée et vécue par Laurent Garnier, des années 80 jusqu'aux années 2000, la lecture se mêlant aux morceaux en marge dans le livre qui ont marqué Laurent au cours de toutes ces années, qui ont marqué l'histoire de la dance music. Electrochoc 8e, Wake Up. C'est dans le chapitre 6 que Laurent nous explique que le vrai déclencheur de sa carrière fut le passage à la production. Grâce à la sortie de ses premiers disques, il fut enfin amené à voyager, en Allemagne d'abord, et plus loin ensuite. En 1989, lors de la rêve Live the Dream, j'avais rencontré Jan Blend, alias Dream Frequency. Nous avions sympathisé et passé une partie de la soirée ensemble. Dans les mois qui avaient suivi, Jan avait publié un tube underground énorme, Live the Dream. Depuis ce disque, Jan se produisait live dans toutes les rêves du Nord anglais. Je le retrouvais au Quadron Park un soir de 1990. On passa la soirée ensemble et Jan m'invita chez lui. « Tu vas pas dormir dans ta voiture ?» Dans la chambre d'amis, épargnée par le désordre qui envahissait le reste de la maison, trônait le studio type d'un producteur de house music de la première génération. Clavier M1, sampler Akai S1000, table de mixage 16 pistes et autres machines clignotantes, l'ensemble relié par des kilomètres de câbles. Fasciné, je lui demandais de brancher son bordel électronique et de me faire une démo. De fil en aiguille, on se retrouva à composer un morceau, un titre entre New Beat et Techno composé à l'arraché. Vers midi, après avoir enregistré le titre sur une cassette, on alla se coucher. Je dormis tout habillé sur le canapé du salon. À mon réveil, je jetai un coup d'œil à ma montre, réveillai Jan, et les cheveux en bataille, on sauta dans la rêve mobile direction Eastern Block. Après avoir choisi une trentaine de disques, quand je sentis que j'avais bien mis le vendeur dans ma poche, je sortis la cassette. « Tu veux pas mettre ça ?» Une fois le morceau terminé, il nous proposa directement de signer le titre sur leur label. J'ai d'abord pensé qu'il se foutait de notre gueule, mais comme il insistait, un vague contrat fut signé. Le maxi 3 titres parut quelques semaines plus tard sur Creed Records, sous le pseudo French Connection. C'était une époque où il suffisait de savoir bricoler une ritournelle house pour trouver facilement un label d'accueil, pour peu qu'il ne soit question ni d'argent, ni de manager, ni d'avocat. Je rentrais à Paris avec mon premier maxi sous le bras. Je jouais dans mes sets, notamment à la Luna. Le club attirait toujours étudiants anglais, musiciens en herbe, journalistes et gays. Un soir, je fis la connaissance d'Eric Morand, un jeune chef de produit chez Barclay. Eric était un habitué de la Luna. On s'était souvent croisés en after ou dans diverses fêtes privées, sans prendre le temps de connecter. Une fois la glace brisée, les gens des majors me font souvent froid dans le dos. On se découvrit des amis en commun, dont Didier Lestrade et Vincent Borel. Chez Barclay, Eric Morand était notamment en charge de la distribution du label anglais FFRR. Il développait également en France des groupes que je vénérais comme Orbital. Par des voies détournées, j'appris qu'il comptait publier un maxi promo d'Orbital destiné au club, mais sans y intégrer le titre Belfast. Moi, je considérais que Belfast était un classique. Je le jouais dans tous mes sets. Eric m'avait plusieurs fois invité à lui rendre visite chez Barclay, alors situé dans un immeuble parisien à quelques encablures de la place d'Italie. J'ai profité du prétexte pour débarquer là un après-midi, grimper l'escalier qui menait à son bureau, suivi par une secrétaire qui s'énervait. « Monsieur Morand est en rendez-vous, vous ne pouvez pas !» Entrai sans frapper et les pieds bien ancrés dans le sol, lui balançait mon laïus. Désormais bien rodé, sur l'incompétence des majors en matière de house, lui expliquant qu'il faisait une belle connerie, que dans les majors, ils ne comprennent rien à la house, etc. En bref, tout ce que j'avais sur le cœur. On resta là à s'engueuler copieusement sur le mode de quoi je me mêle, lui derrière son bureau et moi barrant la sortie. Puis, le temps s'adoucit, je m'assis, on se mit à discuter, et pour finir, je fus gracieusement reconduit vers la sortie quelques disques promo sous le bras. L'histoire aurait pu se terminer sur c'est quoi ce petit prétentieux ? Mais Eric, pas revanchard, continua ses visites à la Luna. On devint pote et un jour, je lui fis écouter le maxi enregistré avec Jan Blend. Après le silence qui précède généralement la sanction, il jura qu'il trouvait ça pas mal et proposa de soumettre à son patron, un certain Pascal Nègre, qui mettra fin à cette initiative. C'est du Jean-Michel Jarre, c'est nul. Barclay n'avait qu'une vision à très court terme des artistes dance dont il était censé assurer le développement en France. Désireux de s'investir dans la production d'une house made in France, Eric Morand partit créer un département dance au sein de la FNAC. Avec à la clé, chose rarissime, la promesse d'avoir carte blanche et de disposer de moyens financiers adaptés. Son projet à travers FNAC Dance Division, produire des artistes house français, leur laisser le temps de développer leur travail et parier sur leur rayonnement international. Une stratégie à contre-courant dans un pays qui, à de rares exceptions près, n'était jamais parvenu à faire rayonner sa musique hors des frontières francophones. Pour ce faire, Eric Morand ne pariait pas sur un changement soudain des mentalités, mais sur une spécificité logistique de FNAC, la possibilité de faire de l'export en produits finis. Alors que les autres maisons de disques françaises dépendaient de leurs homologues étrangers, ou du bon vouloir d'une major qui prendrait leurs produits en licence, FNAC pouvait assurer la signature d'un artiste, l'enregistrement de sa musique, sa promotion et la distribution internationale de son disque. Le secret ? Indépendance économique et carte blanche artistique. Je me suis tout de suite impliqué chez FNAC Dance Division, par amitié pour Eric, mais aussi parce qu'il était vital pour moi de comprendre les arcanes du music business et de me sentir inscrit dans la dynamique d'une famille. Je n'avais aucune responsabilité officielle au sein du label, mais j'écoutais les productions fraîchement sorties de studio, les testais auprès du public lors de mes DJ sets. Il faisait part de mes impressions et de la réaction des danseurs. Alors que FNAC Dance Division se montait, Eric me parla de mon premier maxi enregistré avec Yann. Il voulait que je renouvelle l'expérience et que je sois le premier artiste à sortir un disque sur son label. Pour ma part, je considérais French Connection comme un one-shot. Jusque-là, faire de la musique n'était pour moi qu'un jeu. Seul le dance floor m'excitait. Eric me mit rapidement devant le fait accompli. Ça, c'est ton billet aller-retour, tu vas chez Yann et tu bosses. Je me soumis gentiment et filai chez Yann la semaine suivante. Terré chez lui, alternant franche rigolade et expérience sur les machines de son studio, on enregistra 4 morceaux en 5 jours, dont Join Hands, qui se rêvait dans la veine de Someday de Cizzy Rogers, Storm, un titre inspiré par la techno de Détroit, et 2 autres louchant sur Chicago ou l'Angleterre. À mon retour, je fonçais chez FNAC. J'appréhendais le jugement d'Eric. Je me revois m'excuser d'avoir fait ces morceaux avant tout pour rire, pour voir, enfin comme ça. Il écoutait la cassette d'une seule traite, en silence. J'étais en train de me décalcifier de peur dans un coin de la pièce, lorsqu'un « c'est bon, je prends » claqua dans l'espace soudain silencieux de son bureau. À condition que tu ne te caches pas derrière un pseudo et que ce soit ton nom qui figure sur la pochette du disque. Re-engueulade. « Mais non, c'est underground, je veux surtout pas mon nom !» Eric m'a eu à l'usure. Le maxi fut signé Laurent Garnier et Mixmaster Judy. Yann était déjà sous contrat avec un label anglais, il opta pour ce pseudo zinzin. Ce fut le premier disque publié par FNAC Dance Division, en décembre 91. Dans la foulée, FNAC Dance Division signa 2 artistes. Ludovic Navarre, déjà auteur de plusieurs maxi techno belges sous le pseudo de Subsystem, et Chaz, musicien fondu de House et habitué de la Luna. Parallèlement, Eric Morand engagea une collaboration avec le label Warp, flambeau de la Blip Music techno made in Sheffield, assurant sa distribution et sa promotion française. À l'heure où la house n'était encore qu'une affaire de maxi-vinyle, Warp marquait sa différence et publiait en grande pompe un des premiers albums techno de l'histoire, en CD qui plus est, LFO, duo originaire de Sheffield, mené par Mark Bell. En quelques mois, Morand avait mis sur pied une plateforme prête à décoller. L'essor de Fnac Dance Division coïncida avec l'apparition de la première radio française voie à la techno. Début 92, à la fermeture de Maximum, Radio FG bouleversa sa grille, remisant progressivement ses émissions gays au placard et amorçant un virage vers un format underground. FG confia sa grille au gratin de la scène techno parisienne, DJ Aquarium, Sonic, Armand, Pac-Man, et à travers Rave Up, émission présentée par Patrick Rognan, la station devint le fidèle reflet de l'actualité rave parisienne. Les premiers événements techno ambitieux s'annonçaient. Et en toute légitimité, FG devint leur partenaire obligé. En collaboration avec le quotidien Libération et le promoteur Happy Land, Fnac Dance Division organisa une rave à la Défense le 18 janvier 1992. À l'affiche, le groupe LFO en live. La rave de la Défense fut l'un des premiers grands événements underground organisés avec des moyens importants. Il n'y a là aucun paradoxe. La rave, qui avait lieu dans une salle située sous la Grande Arche de la Défense, fut annoncée dans la plus parfaite transparence. Libération y alla de plusieurs pleines pages de pub, des tracts furent distribués et des spots radio largement diffusés sur FG. Le temps d'une soirée, les différents clans du milieu house parisien baissèrent la garde et travaillèrent ensemble. 4000 ravers vinrent écouter LFO. Le groupe apporta la preuve qu'un combo techno pouvait jouer live et insuffler à son concert une dimension musicale spectaculaire. Pas mal de LSD circula dans la salle cette nuit-là. Durant le concert, il régnait un climat comme je n'en ai plus jamais retrouvé par la suite. Lorsque le groupe joua une version orgasmique de leur tube Rave LFO, on put sentir qu'à travers le filtre de la drogue, l'ambiance prenait des accents sombres. Percevant cette électricité, le duo étira les versions studio de ses titres vers des terres expérimentales, jusqu'alors inconnues, improvisant de longues plages acides ou mettant le public au supplice lorsqu'il s'attardait plusieurs minutes sur une nappe mouvante avant de le frapper au cœur par un beat lourd et funky. Et la salle de chavirer. Yeah. Ce soir-là, un noyau de 40 Anglais descendus en bus de Nottingham pour l'occasion avait investi le dance floor, se déchaînant comme à la maison. Par peur d'un contrôle à la douane, l'un d'entre eux avait avalé la totalité de sa réserve d'ecstasy à la frontière. Le pauvre était dans un état catastrophique. Une fois arrivé à la soirée, il s'était planté au centre du dance floor, s'était déshabillé et s'était couché sur le sol au milieu d'une forêt de pieds. Quand il s'est relevé, il s'est précipité sur le parvis de la Défense, à poil. Des flics l'ont interpellé, l'ont mis au New pendant 2 jours et le bus est reparti en Angleterre sans lui. Et cependant, il manquait toujours un rendez-vous house et techno parisien d'envergure. La nuit était dans un triste état, meurtri par le sida et le manque d'argent. Le Boy et le Palace avaient fermé. On chuchota que le ministère de l'Intérieur voulait depuis longtemps la peau du Boy, un club gay du quartier huppé de la Madeleine, bondé tous les jours jusqu'à midi. Forcément, ça dérangeait. Une sordide histoire précipita la fermeture du club. La nuit parisienne était dans la ligne de mire des autorités. Alors que partout en Europe, la nuit vivait le raz-de-marée techno, trance en Allemagne, techno et hardcore en Hollande, new beat en Belgique et breakbeat en Angleterre, à Paris, il n'y avait plus un club où l'on puisse écouter house et techno, à l'exception de quelques soirées par-ci par-là. Le Rex peinait à trouver un second souffle, sa clientèle traditionnelle ne se renouvelait pas. C'est à ce moment-là qu'avec Eric, on a décidé de monter les soirées Wake Up. Notre ambition n'était pas des plus modestes. Réveiller Paris. Mais comment susciter l'envie du public? Comment lui donner envie de venir chaque semaine? En se demandant ce qui pour nous manquait aux soirées. Nos idoles étaient américaines? Ok, la première chose était d'accueillir des invités de Chicago et de Détroit. Restait à convaincre Christian Paulet, grand amateur de rock'n'roll. Il fallait trouver les bons mots. C'est mortel, Christian, on a obtenu l'accord de principe de Derrick May et Kevin Sanderson. Est-ce que tu nous suis? Silence gêné. Apparemment, Paulet n'a pas saisi. Écoute, Christian, c'est comme si le même soir on avait les Beatles et les Rolling Stones au Rex, t'en penses quoi? Du bien, beaucoup de bien, malgré les trous abyssaux que de tels venus allaient creuser dans sa comptabilité. Mais Paulet avait compris une règle essentielle de la nuit. Un club qui ne prend pas de risques est un club qui meurt. Alors? Alors en 92, Wake Up prit le risque d'accueillir chaque semaine un DJ étranger, tout en demandant un prix d'entrée modique et osa abolir le sacro-saint système des guest lists. Contrairement au principe de gratuité qui régnait dans la nuit parisienne depuis les années 80, tous les clients de Wake Up déboursaient leur aumône. Chaque jeudi, l'équipe, Eric Morand, Philippe Seguineau, notre illustre portier, DJ Deep et moi, étaient au rendez-vous. Eric accueillait le public et devait s'expliquer sans fin sur le fait que oui, c'est payant parce qu'un DJ international, la location de scan et de son, ça a un prix. Donner était la règle d'or de Wake Up. Il y eut des disques collectors gravés pour les 2 premiers anniversaires et offerts à chaque client, des distributions massives de pochettes surprises, de fruits, des bonbons, une machine à barbe à papa en libre service, tout plein de clins d'œil destinés à laisser une trace. Mais le vrai don que Wake Up fit à son public, ce fut de faire venir des DJ du monde entier, de véritables légendes dont le seul nom faisait rêver et qui, pour la plupart, n'avaient jamais mis les pieds en France. Après son ouverture officielle, le 21 mai 92, avec DJ Deep, Wake Up devint la terre d'accueil des artistes de l'axe Détroit-Chicago. Derrick May et Kevin Sanderson firent le voyage le 25 juin 92, puis ce fut Jeff Mills, Lil Lewis, Ron Trent. Pendant ces soirées, Eric et moi, nous avons compris qu'il y avait un décalage énorme entre l'impact en Europe de la musique produite par ces artistes américains et leur reconnaissance, proche de zéro, chez eux. Lorsque Ron Trent, auteur du classique Altered State, qu'il composa à 14 ans, vint jouer à Wake Up, il n'avait absolument pas conscience du culte voué à son disque. Lorsque DJ Pierre, l'inventeur officiel du son Acid, vint à Paris le 17 septembre 92, il n'en revenait pas d'entendre de la Chicago House jouée toute la journée par les DJ de FG, surexcités à l'idée de la venue du maître, là, dans quelques heures, au Rex. Un lien sincère était en train de naître entre Paris et l'axe Détroit-Chicago. Un public de fidèles qu'on ne voyait nulle part le reste de la semaine se réunissait au Rex chaque jeudi. Wake Up devenait un rendez-vous tacite pour les acteurs de la scène parisienne. Guillaume Latortue, Olivier Le Castor, Scanix, Loïc Dury, Eric Napora ou les gens de Radio FG. Semaine après semaine, le Rex se métamorphosait, à l'image de son personnel, qui dansait derrière les bars, heureux de voir une clientèle courtoise et positive prendre possession des lieux. cette époque, je partageais mon temps entre Paris et l'Angleterre. Une nouvelle résidence mensuelle à Birmingham était venue s'ajouter à celle de Liverpool et de Manchester. À Birmingham, je me liais avec un groupe de clubbers un peu barjot et rencontrais Dominique qui travaillait dans un studio à Stoke & Trent. Après les soirées, on s'enfermait dans son studio et on tripotait les machines. De ces divagations matinales naquit ma seconde contribution pour Fnac, Stronger by Design, publié en septembre 92. Parallèlement, Eric Morand affina sa stratégie. Et en novembre, l'équipe de Fnac Dance Division partit sillonner la France avec un camion convoyant sound system, lumière et machines. La tournée Respect for France comprenait 6 dates. Rennes, Strasbourg, Toulouse, Dijon, Lille et Montpellier. Chaz et Deepside, projet solo de Ludovic Navarre, joués en live. Entre les deux concerts, j'assurais le relais en DJ. Eric Morand, stratège de cette campagne de promotion, tentait de satisfaire tout le monde. Les patrons de clubs, pour qui la house était affaire de luxure gay, les promoteurs effrayés par la nouveauté de l'opération, ainsi que Chaz et Ludovic, qui n'avaient jamais affronté un public, live qui plus est, et se retrouvaient à jouer dans des clubs ignorant tout de la house music. Sans compter les inévitables imprévus de ce genre de tournée. Rennes, par exemple, où on se produisait au Pimps, le lendemain du Beaujolais nouveau. La clientèle habituelle du club resta chez elle, sans doute trop cuitée de la veille. Un public majoritairement gay prit le club d'assaut, faisant souffler un vent de folie. Les tiroirs caisses étaient remplis jusqu'à la gueule, mais le propriétaire indigné prit Eric à part, hurlant « Vous avez amené la décadence dans mon établissement! C'est quoi cette musique? C'est quoi votre problème ?» Mais dans l'ensemble, l'accueil fut bon. La presse régionale ne toucha pas un mot de la tournée de Fnac Dance Division, mais l'enjeu n'était pas là. Pour la première fois, un label house techno français prenait la route, partait rencontrer et séduire un public, faisant découvrir sa musique, et renforçait ses liens sur la route entre sandwich et café d'air d'autoroute. Avec Respect for France, une première pierre avait été posée en province et seul le temps allait juger de l'impact d'une telle démarche. Les rendez-vous hebdomadaires de Wake Up étaient notre laboratoire. C'était là que nous testions nos productions. Derrick May était notre invité lorsque le titre Acid Eiffel, composé la veille avec Ludovic Navarre et Chaz, fut diffusé pour la première fois sur cassette DAT. Nous étions tous dans la cabine, scrutant les réactions du public qui semblait apprécier. Derrick flasha sur ce qu'il entendait. « What's that shit, man ?» Moi, un truc qu'on a fait avec Chaz et Ludo pour le fun. Il me foudroya du regard. You don't make a record for fun, man. Il se lança dans son set et à son terme nous annonça qu'il allait publier Acid Eiffel sur son label Fragile Records. Rien que ça, l'un des labels historiques de la techno de Détroit allait accueillir en son sein un maxi réalisé pour le fun par 3 franchises. Derrick tint parole et Acid Eiffel parut dans les bacs siglés du F de Fragile. Fnac Dance Division se rapprochait des artistes de Détroit. Acid Eiffel n'était pas encore paru lorsqu'Eric et moi partîmes au New Music Seminar de New York, rendez-vous incontournable de l'industrie mondiale du disque, qui s'ouvrait pour la première année à la musique électronique. Durant ce salon, tout le gratin du monde house et techno se réunit. Le programme était simple, business impitoyable la journée et fêtes, pendant lesquelles le business continuait, nous sommes aux États-Unis, à la nuit tombée. On pouvait voir Carl Cox, Richie Hawtin, Sven Vass, Derrick May, se presser pour se rendre à des rendez-vous où il n'était question que d'une chose, les affaires. Peu d'humour donc, mais dans ces moments, plutôt terre à terre, on pouvait déjà pressentir quels artistes et labels avaient une vision à long terme de la musique techno. Une conférence autour de la techno de Détroit eut lieu pendant le New Music Seminar. Juan Atkins, Blake Baxter et Derrick May faisaient face à une nuée de journalistes, patrons de labels, DJ, producteurs, second couteau. La conférence dégénéra lorsque Juan Atkins s'énerva. « Vous n'avez rien compris à la techno. Au lieu de parler, venez à Détroit voir ce qui s'y passe, bande de cons !» Ambiance. On enchaîna des rendez-vous plus ou moins réussis. Lors de notre rencontre avec les gens du label canadien Plus 8 Records, les deux fondateurs, Richie Hawtin et John Acquaviva, étaient accompagnés de leur agent. On eut droit à un interrogatoire en règle sur nos compétences. Nous en sortîmes nerveusement épuisés, mais avec un contrat stipulant que Fnac pouvait assurer la distribution de Plus 8 en France. Nos pas nous menèrent ensuite dans les bureaux de Nervous Records. En 92, Nervous était le label en vue, un des fleurons du nouveau son House Underground new-yorkais, accueillant les producteurs Josh Wink ou Masters at Work. Ce rendez-vous fut significatif du mépris américain envers la musique européenne. Comprendre non-anglo-saxonne. Nervous ne voyait en Fnac qu'une opportunité de sortir ses disques en France, et dès qu'il fut question de faire écouter nos productions, la bonhomie de notre interlocuteur fit place à un certain dédain. Il écouta les productions que nous lui soumettions d'une oreille distraite, l'air d'être manifestement au supplice puis l'achat. « Vous, les Français, ce qui vous manque, c'est le son. Vous ne savez pas produire des disques. C'est de la merde, tout ça. » Même son de cloche chez Strictly Rhythm et 8Ball, confrères house indépendants de Nervous. Seul Larry Flick, journaliste dance respecté dont la voix faisait autorité au sein de l'hebdomadaire Billboard, la bible du hit-parade américain, tendit une oreille attentive à nos disques. À l'issue du New Music Seminar, il chroniqua un disque de Fnac Dance Division dans le Billboard. Et à la lecture de son papier, les regards se tournèrent enfin vers nous. Si méprisants qu'ils aient pu paraître, les labels américains avaient raison sur un point. Le son, ou plus exactement, la qualité de la gravure des disques house techno français était bien un problème à l'époque. La gravure, c'est la clé de la réussite d'un disque. Lors du mastering, c'est par l'équalisation qu'on détermine ce qui sera le son final, l'épaisseur et le grain du disque avant son pressage définitif. Or, en 92, tout était réuni en France pour rendre la publication d'un disque techno impossible. Pour graver un disque, il fallait trouver un ingénieur du son. Mais tous les types à qui on avait affaire, pour la plupart issus du rock, n'avaient jamais eu à masteriser cette musique. Dès qu'il s'agissait de leur donner des indications pour la gravure, l'incompréhension était totale. Quoi, vous voulez mettre le kick en avant? Mais ça ne se fait pas! De plus, en quelques années, le CD paru en 85 avait balayé le marché. Le vinyle avait été massivement remisé au placard par les barons de l'industrie musicale. Et lorsqu'en 92, Fnac Dance Division parlait de produire des vinyles, stipulant que c'était même là une partie de l'identité de la musique électronique, on nous riait au nez. Une seule imprimerie en France fabriquait encore des pochettes de 33 tours et pour le pressage, il fallait travailler avec des usines hollandaises ou allemandes. À notre retour de New York, le constat pouvait sembler amer. Le marché international n'avait pas d'intérêt pour nos disques. La bouffe et le parfum, vous savez faire, mais la musique, oubliez. Dans notre pays, les médias généralistes et l'ensemble du public ne voulaient rien savoir de la house et de la techno. L'inépuisable ritournelle, ce n'est pas de la musique, nous était sans cesse resservi. Et les ventes étaient si ridicules que 300 exemplaires écoulés d'un maxi de chaises étaient fêtés comme un succès. Parmi les nombreux obstacles auxquels nous étions confrontés, il y avait aussi le déficit d'image de la techno. Jusque-là, les artistes s'étaient réfugiés derrière des pseudos. L'anonymat était même une des composantes essentielles de la musique électronique. « Peu importe qui je suis, écoute ma musique. » Éric Morand était au contraire convaincu que la meilleure façon de toucher le public était de donner un visage à cette musique. Il décida d'adopter les méthodes de promotion d'une maison de disques traditionnelle. Photos de presse, biographies des artistes, design soigné des pochettes, etc. À l'extrême opposé des canons de discrétion de la culture techno, Fnac Dance Division misait sur la visibilité. Pour ces raisons, et parce que nous voulions produire et distribuer nos artistes à l'étranger, Fnac était considéré comme un label commercial, ou dans un langage moins policé, comme un label de vendu par la scène française, pour l'essentiel des bandes rivales d'organisateurs passés maîtres dans le maniement du dénigrement. Bref, c'était mal parti. Mais le mépris des étrangers et de nos compatriotes pour ce que nous faisions était tel que de souffrance, il devint moteur. Question de tempérament. On était persuadé que nos disques étaient bons et notre démarche respectable, mais les ventes ne suivaient pas, ce qui à terme risquait de compromettre la viabilité du département dance de Fnac. En clair, il fallait un tube, un gros, et vite. Je travaillais sur mon nouveau maxi chez Ludo. Un soir, on alluma les machines. Dans l'air flottait cette vibration qui rendait les choses faciles. Pas trace de galère technique ou d'hésitation sur la tournure que prenait lentement la musique. Ce soir-là, tout semblait simple, évident. On copiait le titre terminé sur DAT. Je partis me coucher. Le lendemain, je décidai de le diffuser sur l'antenne de FG, où j'avais rempilé pour une nouvelle émission. J'expliquais à l'antenne que j'aimais bien le morceau qui allait suivre, qu'il avait été terminé dans la nuit et que je n'avais toujours pas trouvé de titre. Un auteur laissa ce message sur le Minitel de FG. « Le morceau est beau, on dirait une respiration, appelle-le Breathe. » Finalement, le titre devint Breatheless et atterrit sur le bureau de Morand. Verdict, il me faut l'autre face. Va pour un autre soir chez Ludo. La soirée Wake Up était un beau succès. Je voulais dédier un morceau à tous les gens qui nous suivaient depuis le début. Mais à mes yeux, l'Angleterre était encore à l'époque le pays leader en musique et la scène techno qui se développait en France était rongée par des guerres intestines minables entre organisateurs, DJ ou labels. Ce que j'avais envie de dire, réveillez-vous. Il fallait sortir de cette guéguerre à la con et considérer ce mouvement comme une énergie globale. Un pied sorti d'une TR-909, une basse arrachée à une TB-303, ma voix samplée qui dit « wake up » en boucle et que Ludovic passe dans des tonnes de filtres pour lui donner le grain et l'autorité d'un Yeti qui de toute sa gorge déployait à scène. No more sleeping, wake up. Le lendemain, une nouvelle cassette atterrit sur le bureau de Morand, qui écoute et refuse. Il n'aime pas le Yeti. Pas grave, on recommence. La version définitive de Wake Up fut publiée en avril 1993 par Fnac Dance Division et devint instantanément un hit en Allemagne. Le label Warp le licencia dans la foulée pour l'Angleterre. On voyait enfin des oreilles se tourner vers la house française. Subitement approché par les labels et médias étrangers et conscient qu'il fallait profiter de ce brusque intérêt pour marquer notre différence, Fnac Dance Division fit fabriquer une série de blousons arborant le slogan « We give a French touch to house ». Thank you. Je jouais toujours dans les rêves anglaises 3 week-ends sur 4. Là, je retrouvais mon posse de Stock & Trent. Notre premier maxi s'était écoulé à 2000 exemplaires en France. Honorable. Après une soirée de beuverie, on décida de monter un groupe d'idiots complets. Le Moose Posse. Lors de nos sessions de travail, aucun impératif. Juste s'enfermer dans le studio, fumer comme des cochons, scruter nos yeux rougis en rigolant, rivaliser de grimaces débiles, mains collées sur le crâne et doigts en éventail façon élan des grandes steppes réfrigérées, et beugler « Moose !» Cri présumé de la femelle élan en chaleur. Puis les mooses allumaient les machines et se mettaient au travail. Le but, composer la bande-son idéale d'un groupe d'élan gambadant peinard sur la banquise. En juillet, sous le nom de projet Alaska, le Moose Posse publia sur Fnac « Lost in Alaska », l'histoire d'un jeune élan qui se perd dans les grands espaces du pôle Nord, se les gèle sévère en cherchant son posse, désespère, puis retrouve finalement sa bande. À la fin, ils célèbrent leur retrouvaille sur la banquise par une fête à tout casser. Après ce disque, consacré aux mœurs des élans d'Alaska, Dominique nous brancha sur une série de remixes que le studio devait réaliser pour I Believe, un titre de Kevin Sanderson apparaître sur Network. On mit discrètement la main sur les bandes contenant des pistes séparées, a cappella, rythmique et mélodie. Lors d'une réunion du Moose Posse, on composa un remix qui partait loin, très loin de la version originale. Une sorte de long voyage tripé peuplé d'élans qui mugissaient dans le lointain, totalement à contre-courant de ce qu'un label pouvait attendre de la relecture d'un sacro-saint titre de Détroit. Le lendemain, Dominique donna le remix au responsable de Network, qui firent une drôle de tête à son écoute, mais promirent malgré tout de le proposer à Kevin Sanderson, qui apprécia et donna son feu vert. Le I Believe Laurent Garnier Frenchman in Stroke & Trent Ambient Chill Bedroom Mix parut sur Network en septembre 92. En une année d'existence, la division dance d'Éric Morand avait accueilli de nouveaux artistes français, notamment Scanix et Lunatic Asylum, recrue techno-rêve de Fnac, et le label hollandais Jax Up était venu intégrer la plateforme de distribution de Fnac aux côtés de Warp and Plus 8. Alors au centre de toutes les attentions, suite au succès de Pullover, le maxi de Speedy J. Mais début 93, les premiers signes de mauvaise santé financière de Fnac Music apparurent, et la liberté artistique d'Eric fut menacée faute de chiffres de vente concluants. À ce moment, parut de Meltdown de Lunatic Asylum, carton immédiat en rêve, mais aussi dans les fêtes parisiennes, qui pour la première fois s'embrasait sur une production techno-française. The Meltdown fut un tel hit dans les rêves allemandes qu'il intégra les charts la semaine de la sortie et propulsa Fnac Label du Mois dans les pages de Front Page, la référence techno-allemande. Suite à ce coup de projecteur sur le travail de Fnac, les artistes du label furent invités à l'étranger et trouvèrent en Allemagne, en pleine explosion trance, une terre d'adoption. Scénario inimaginable voilà peu. Wake Up accueillit en retour le son allemand de Sven Vatt, Paul Van Dyck, Pascal Fios, reçu l'Angleterre, Carl Cox, Colin Dale, Black Dog, Darren Emerson ou Luke Slater. Et toujours Détroit avec Stacy Pullen et un autre protégé de Derrick May, le jeune Kenny Larkin, récent auteur des albums Azimut et Métaphore, signé chez Warp et RSS. J'étais fasciné, obsédé par la techno de Détroit. Et lorsque Kenny va jouer au Wake Up, je le soumis à un interrogatoire en règle, le questionnant surtout mes héros, la réalité de la ville, la musique, tout et n'importe quoi pourvu qu'il me donne un peu de matière à rêver. il fit mieux. Il m'invita chez lui à Détroit pour rencontrer mes maîtres. Anytime, Laurent. Dans la vie, il y a des opportunités qu'il faut savoir saisir. Le Chat Noir Production vous a présenté Electrochoc. Retrouvez l'émission sur le forum. Le Chat Noir forum actif.com. http://lechatnoir.forumactif.com et ça s'écrit LELSHANWARE.forumactif.com et deux fois par mois le mercredi soir sur Radio Campus Bordeaux 88.1. Électrochoc.